la chambre du silence. La chambre d'isolement, un silence de plomb, écho d'une souffrance qui ne dit pas son nom. Même en guerre, la torture est un nom, un acte inhumain, une sombre trahison. Dans le fracas des armes, garde l'espérance, la torture n'est pas une juste sentence. Préserve ton âme, ne cède pas à la violence. L'humanité, en nous, doit garder sa puissance. Sous le ciel de feu, reste digne et fort. La torture, un mal de qui pousse à tort. Dans le tourment, cherche la lumière, pour que la paix, un jour, puisse être prospère. La guerre fait rage, mais n'oublie pas, la torture est un acte qui ne se pardonne pas. Elle brise les corps et les esprits, et dans l'histoire, elle laisse une tache infinie. Face à l'adversité, soit le changement, contre la torture, prends fermement position. Que ta voix s'élève claire et puissante, pour que triomphe la raison. Pour que triomphe la raison. Dans l'horreur, l'humanité doit primer. La torture jamais ne doit être acceptée. Allez, l'abandon de ce qui nous est cher, la dignité, le respect, notre univers. Pour conclure ce sombre tableau, la torture, un fléau, un fardeau, elle ne doit trouver aucun écho, et dans nos cœurs, elle est l'ennemi, l'oppresseur. Cette chanson est dédiée à tous ceux qui se sont fait enfermer, manipuler contre leur gré. Et je leur souhaite que de la paix en eux, que la paix soit avec vous. Hein.